à Sifu pour l'écouter. 89.1. Bonjour tout le monde, ici David Ferron sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM pour cette édition de la semaine du 20 avril 2017 de l'Aube Trotter. Et je reçois deux personnes qui se sont échappées d'un trip d'acide. Donc, non, j'ai pas allumé les micros, je voulais faire mon agace, blablabla. Bla, bla. Donc, dès que vous êtes prêts, on reçoit nos deux fous. Allez-y! Bonjour, okay. Bonjour. 1, 2, 3, go. Y'a de la trottinette! C'était la meilleure intro que j'ai jamais vécue. Écoute, c'est vraiment la meilleure. Une fois coupé au montage avec le malaise enlevé, là, ça va être parfait. Ouais. Ben oui, ouais. C'est sûr. Salut David! Ben bonjour vous deux, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, merci. Et merci d'être venu conclure la saison automnale, hivernale, automne-hiver, palmarès du monde. Ça fait plaisir. Ben, là, ça fait plaisir. T'arrêtes pas là, tu continues cet été. Oui. Dans une autre case horaire. Oui, exactement. Parce que toi, t'es le gars qui a changé le plus de case horaire souvent dans c'est la session. C'est vrai, hein, quand même. Je pense. On t'a vu, on t'a pas vu, on t'a disparu, t'es revenu, c'est comme Bambi perdu et retrouvé. Oui, Bambi hyperactif qui boit en plus des boissons énergisantes. Ouais, et alors qu'il devrait pas. Son cœur va exploser. C'est sûr et certain. Ou son cerveau. Ah, un des deux. Mais ça, c'est déjà fait pour le cerveau. Ah, j'avoue, hein. Il y a une petite perte de sang sur tes oreilles. Ça coule. Oui, exactement. C'est plate qu'on puisse pas filmer l'hémorragie de la part de mes tympans. Ah, tu sais, les hémorragies, il vaut mieux pas filmer ça. Ça. Ben, pourquoi pas, s'il y en a qui aiment ça, les films d'horreur. Oui. Ah, ouais, vu comme ça. Ah! Allô? C'était ma réaction. Bonjour. Allô? Ça se passe bien, ton émission, David? Oui, je pense que oui. OK, cool. Mais c'est bon. J'ai l'impression de m'entendre comme si j'étais enfermé dans une boîte métallique. Pourquoi? Présentement? Oui. C'est peut-être parce qu'on a beaucoup de micros de verre. C'est peut-être ça, ou c'est vraiment c'est ta canette de boisson énergisante. Qui résonne dans ta tête. Tu l'as bu, mais faut arrêter de la boire une fois que la canette est vide. Ouais. Tu continues pas à la mettre dans ta bouche. Je connais quelqu'un qui fait ça aussi. Il continue à boire dans la canette quand il n'y en a plus dans la canette. Je fais tout le temps ça, pour vrai. Mon café ou ma liqueur, ou peu importe, je suis tout le temps en train de voir. Des fois qu'il y a une nouvelle dernière gorgée. Une petite goutte là, qui reste sur le bord. Mais c'est comme ouvrir la porte du frigo tout le temps. Des fois qu'il y a une nouvelle bouffe. T'sais. Ah, t'as bien raison. J'avais jamais vu ça de même. Ah, David. Oui, en David cherchait dans le frigo, il connaît ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est mon activité préférée. Ouais. Hey, tu savais qu'en ce moment même, là, où on se parle en ce moment, il y a une autre émission de radio en train d'être enregistrée à la Chasse-Galerie. Ben oui. En direct. C'est là qu'on s'en allait. Oui, on s'en va là. On s'en allait crier « Vive, c'est fou! » Oui, David, c'est fou! David! Il y a de la trottinette! Exactement. Faut l'enregistrer pour cet été, celle-là. Ah oui, hein? Oui. Est-ce que tu vas encore changer de nom? Parce qu'on sait qu'autre que le changement d'horaire, tu changes tout le temps de nom d'émission. Oui. La langue dans ton oreille. Oui. Carte bleachée. Oui. Ça, c'est une chronique. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça n'a jamais été une émission. Hein? Palmarès du monde. Palmarès du monde. L'Aube Trotter. Oui. Ben, Palmarès du monde, dans le fond, l'Aube Trotter, c'est comme un spin-off. Oui, absolument. Palmarès du monde. Absolument. Mais on adore ça, mais là, est-ce que tu vas garder le même nom pour cet été? Ben oui, c'est même trop cool. Okay. Oui. Mais c'est ton horaire qui va changer. Et ça, ça reste à déterminer. Oui, on mais sait pas encore. Pour l'instant, c'est le... Oh, comment on se peut dire des affaires qui vont changer? Là, ouais, mais... c'est ça, le pauvre auditeur, ils vont tous se perdre. Je te censure avant même que tu le dises, parce qu'on sait qu'avec tout ce qui se passe, des fois, tu changes de place. Ouais. Tu pourrais travailler ça, ailleurs. Ben oui. Pour un autre job. Fais attention. C'est ça. Je sais pas, on veut pas te perdre. Mais non. Ben moi non plus, je vais pas vous perdre. Vous êtes les meilleurs, il y a de l'heure de C'est fou. Ah mon Dieu, c'est la J'aime bon. Trop ça. Tu vois qu'on a rien à dire, finalement. Ouais, c'est ça, finalement. On est vraiment juste venu faire ça dans ton émission. On remplit le matin parce qu'on a des affaires à dire. Ouais. Oui. Hein, ben vous le faites bien, vous improvisez. Vous devriez faire une émission comme Anne Dorval et Marc Labrèche ont fait. C'est-à-dire qu'eux, l'année passée, ils ont mis une émission de l'été. Il n'y avait aucun canevas. Okay. Ils faisaient juste parler de ce qu'ils leur tentaient de parler. Puis... bonne liste, hein? Oui. On aurait-tu des choses à dire? Ben... venez dîner avec nous à Chasse-Galerie un midi, vous allez voir. Ouais. On rencontrait les histoires des autres. Ouais. C'est arrivé à mon ami. C'est pas nos histoires à nous qu'on raconte, c'est tout le temps ceux qui nous ont été racontés. C'est ça l'important de savoir. C'est des candidats à ton. Ben oui, mais il y en a qui ont gagné des prix Nobel avec ça. Ah ouais? Pour les aider les autres? Non, j'avoue, hein, les découvertes de pénicilline. Ah, c'est ça. On devrait se mettre sur le cas, peut-être. Oh. Peut-être qu'on serait... peut-être qu'on serait capable de gagner un prix Nobel, Mathieu. Si on... en fait, j'ai oublié de présenter... On se penchait sur la question. C'est plus le prix Nobel comme dans Pas la cloche et l'idiot. C'est ça, exactement. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Nobel comme pas de cloche. Pas de cloche, exactement. Ouais. Ah. Ouais. Pas de notification. On est en train de faire perdre le contenu de l'émission de David. Oui, mais on disait qu'on voulait que David Ferron, son plus grand rêve, là, quand il a échappé sa monnaie, son portefeuille dans le bac à recyclage, tantôt, j'ai dit, c'est comme si tu voulais recycler tes rêves. T'sais. Exactement. J'ai dit, ton rêve va être de battre les codes d'écoute de l'émission de Radio-Canada en train d'être enregistré en ce moment en direct à la Chasse-Galerie. Ben, c'est pour ça que vous êtes venu. Pour c'est ça, c'est parce qu'on est venu aider tes codes d'écoute. Oui, la guerre effroyable. Ben non, on les aime pareil, mais c'est encore mieux, c'est fou. Oui, mais ils sont sur notre territoire. Fait qu'on est allé mettre un flag de c'est fou à côté du leur. Ah, ouais, ouais. On a posé notre territoire. Ah non, mais tu sais, ils ne viendront pas de jouer dans nos plates-bandes. Mais non, non, non, hey, one minute. T'sais? Ben ils peuvent le faire, mais ils ne savent pas à quel point on est fantastique. C'est ça, exactement. On est capable de prendre notre revanche. Tout à fait. Oh. Et les coquins. Et c'est ça. Mais j'ai oublié de présenter qui étaient les coquins qui parlent avec moi depuis tantôt. Oui. C'est vrai, hein, j'ai comme réalisé. D'après moi, c'est pas grave. C'est en fait les Yodelers, Tania Baudin et Mathieu Plante qui sont les deux animateurs d'Assemblage requis qui est diffusé tous les matins de 6h30 à 9h30 sur les ondes de C'est fou, 49.1 FM. Exactement. On l'appelle Tania et Mathieu. Donc, si on calcule ça comme ça, ça pourrait faire un bon 8 heures qu'on est à la station de radio présentement. Ben, comme toujours. Puis on s'en va écouter une autre émission de radio. Ça, c'est, on est mortifié. C'est ça. Ben, c'est bien, c'est d'ouvrir ses horizons. Mm-hmm. Tout à fait. Ben oui, comme M a fait au Mali. C'est le fun, j'aime d'avoir des références. Je pensais pas vivre ça à la radio avec toi, des références comme ça que personne connaît. Ben, c'est parce que c'est une toune de M que j'ai fait jouer tout à l'heure. C'est mon numéro 3. C'est ça qu'on écoutait tantôt. Ben oui. Oui. Ben oui, avec la révélation française Jane. Oui, Jane. Oui, ben oui, ben oui. Avec Tarzan. Pas tout à fait. Non, ah non, non pas en fait, je pense qu'elle est capable de dominer la jungle musicale à elle-même, tout seul. C'est une révélation de la musique en France. Si vous connaissez pas la chanson « Comme », écoutez cette chanson-là, ça vaut vraiment la peine. Il y a plein d'influences pop aussi, un peu africaines aussi. Mm-hmm. C'est vraiment les... Si vous êtes tanné d'entendre des tunes de yodel, écoutez Jane. Ben non, voyons, on peut jamais se tanner du yodel, surtout pas celle que tu nous as fait écouter ce ben matin. Ben oui, est-ce qu'on l'écoute? Le, je on savais qu'il avait préparé, il est fort. David, il est... Écoute, il est tight. Les cues sont faites. Ouais, oui, vraiment. Ah ouais. Ah, voilà. Ouais, là, c'est pas encore le cas. Ah, OK. Donc, on parle par-dessus. Ah, OK, c'est ça. Est-ce que... Et voilà. Vraiment wow. un hit de tous les instants. C'est la chanson parfaite là, de Natrel. Il y a du lait. Il y a du lait. Je sais même pas si en Roumanie, ils jouent autant cette chanson-là que nous, on l'a joué un matin. Moi, je sais qu'on devrait faire un jingle de C'est fou 89.1 FM sur ce bout de tune-là. C'est fou, l'eau. Ben oui. Il y a de la C'est fou. Il veut garder le concept pour lui, David. Il a dit qu'on allait l'enregistrer. On l'a pas fait aujourd'hui. Non. Mais c'est chose qui est mise à la to-do list pour demain, David. Oh, j'ai hâte de voir ça. Cool, hein? Venir à la station, juste enregistrer ton yodel. Une demi-heure, puis on s'en va. C'est ça. Ouais. Mais on pourrait faire la version longue, la version chanson. Yodel, yodel, yodel, yodel, yodel. Je peux pas croire qu'on fait ça présentement à la radio. On peut ne pas y croire, mais ça se fait pour vrai. Fait que Radio-Canada, c'est 96.5 FM, je pense. Oui, c'est ça. Surtout, on veut battre leur codique. Yodel. Mais on salue tous les gens qui aiment le yodel. Voilà. Peut-être que vous allez pouvoir animer une émission durant le festival Western de Saint-Tite. Ah, ce serait bon ça. Ah, peut-être. Oui, sur le terrain. Écoute, on va se mettre là-dessus. À cheval. Ben oui. À cheval là-dessus. On va ferrer là-dessus. Oui, c'est ça. C'est une idée qui trotte. C'est ça, oui. Ah, tout à fait. Quelque chose avec des mouches, là, je sais pas. Des mouches. Je sais pas, je fais ça, t'as des mouches. On va se mettre en selle. Ça a des mouches, sa queue. En selle avec Tania. Ah, c'est en ça. Lieu d'être... Ah, c'est le spécial, spécial Festival Western. Ouais, en selle avec Tania. Hi-ha! Ben, avec ça en selle. Oh. Au lieu que ça soit justement en route avec Tania qui est diffusée tous les mercredis 14h, c'est bien exactement. Ça? Exactement. J'ai peur de me tromper d'heure. Non, non, c'est parfait. Oui. Tu connais mon horaire, j'aime ça. Tu connais mieux que moi. Ansel et Gretel. Ansel et Gretel. Oui, pas pire. Vous pourriez quasiment devenir des chanteurs pour enfants communautaires de la région de Trois-Rivières. Un bon chocolat chaud. Je fais du Calvin Campagne. Ouais. Calvin Campagne. Ouais, c'est des options qui s'offrent à nous qu'on va regarder. On va y penser. Je sais à dire que nous faisons une émission de musique du monde, mais vous n'êtes pas du monde, mais je vous aime pareil. C'est ça, il y a tout sur la musique du monde dans cette émission-là, finalement. C'est vrai. Oui, mais c'est correct, c'est le monde est large. Oui. Il faut ouvrir ses horizons. Au pire, il va juste jouer deux chansons de moins dans sa mission. Ben, c'est pas grave. Il n'y en a pas de problème. Ben non, de façon... Ben non, mais là, je pense surtout aux auditeurs qui se disent « Non, mais qu'est-ce qu'ils font là, présentement? » Ça paraît qu'ils n'ont jamais écouté l'émission du matin. Hein. Ah non, vraiment pas. Ben, peut-être qu'ils l'écoutent. Ah, parce que je fasse une plug, David Ferron vient à notre émission tous les mardis matin. C'est vrai, puis bien souvent, il est là aussi le jeudi matin. Oui, pour nous dépanner. À 9h15. Oui, oui. Quand on n'a pas personne avec nous. Ouais. Ou pour bouffer de la bouffe gratis. Et voilà, une grosse bonne adresse, les jeudis. Exactement. Oui, dans le fond, c'est pour ça que je viens juste faire des chroniques. Les chroniques, c'est un prétexte. On aime ça. On termine le jeudi 27 avril prochain, si vous voulez terminer la saison avec nous. Jeudi prochain sera la dernière de la saison. Après ça, on passe aux après-midi. On vous donnera l'horaire en temps et lieu. Déjà, et Mathieu, c'est interdit que tu marches sur de la glace. C'est interdit. Oui, ben, est-ce que tu as vu sur Facebook, on m'a acheté des crampons. Pour l'hiver prochain. Ben ouais. Fait que pour pas que je me recasse le bras, qui était la raison pour laquelle j'étais absent depuis un mois et demi, pour ceux qui sont pas au courant. Il n'est pas question que tu te casses un autre bras. Merci. C'est interdit. Il y a une loi qui dit Mathieu Plante n'a pas le droit de se casser quoi que ce soit. C'est sévère. Surtout parce que quand il se casse un bras puis il est pas là pendant un mois, ben c'est les autres autour qui font ses tâches. Ouais. Donc, s'il te plaît, ne disparaît pas. C'est ça, merci. Bon, merci les gens qui m'ont remplacé, dont Tania. Merci, fait plaisir. Ben, bien fait ça, Tania. Ah, merci, c'est gentil. Mm-hmm. On continue même. Ben oui, on s'ennuyait plus de toi, Mathieu. Ben, c'est, c'est si méchant à dire. Mais quand t'es revenu, la joie était revenue aussi. Oui, et les insultes envers toi. Et envers toi, Mathieu. Merci. On t'aime. Ah, je vous aime tellement fort. Oui. Oh, c'est cute. Mais cela étant dit, Radio-Canada nous attend. Oui, c'est ça. On va aller s'abreuver après avoir enregistré les publicités. C'est ce qu'on va faire. Excellent. Ben, je vous remercie d'être passé. Merci à toi, David. Ben, ça fait plaisir. Et si vous voulez revenir d'ici la fin de l'émission, la porte est ouverte. Il reste 15 minutes. Non, en fait, elle est fermée. Ouais. On le répète, elle est fermée. Oui, c'est vrai. Mais... On est obligé on de a la passe pour rentrer, c'est ça qu'il faut dire. Ah, fait que vous pouvez venir envahir le studio n'importe quand. Vous avez les pouvoirs pour merci, ça. Merci, David. Merci, David. Bonne émission. À bientôt. Ben merci. Donc, c'était Tania Baudin et Mathieu Plante qui sont venus m'accompagner, qui ont eu la gentillesse de venir me voir et qui maintenant, ça va s'ouvrir leur horizon pour la prochaine... Les prochaines 15 minutes, tandis que moi, je sais pas si je fais jouer la toune de Yodel. Non, je l'ai assez entendue, mais peut-être une toune de l'Eurovision, juste pour pêcher un peu. Est-ce que la toune de Yodel que j'ai fait jouer, ce sont les représentants roumains de l'Eurovision, donc Ilinka et Alex Ruia avec la pièce Yodelite, mais on peut entendre celle de l'Arménie qui s'appelle Fly With Me. Si vous aimez un petit peu la musique trance, pop, vous allez aimer ça. On va la faire jouer. Ben oui, on va se gâter un peu. C'est la dernière de la dernière de la saison automne-hiver 2016-2017. Et pour ça, on s'en va sur le catwalk de l'Arménie avec Fly With Me de Artvik dans quelques instants. Le temps que je la trouve et qu'il n'y ait pas de pub. Donc, on entend Tania encore à Yodley. Elle va devenir une experte, je suis sûr. Donc, non, je vais faire jouer une autre tonne en attendant que je la trouve. Et la pièce, ça va être la like Janice de Rodriguez sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. And you measure for wealth by the things you can hold. And you measure for love by the sweet things you're told. And you live in the past of a dream that you're in. And your selfishness is your cardinal sin. And you want to be held with highest regard. It delights you so much if he's trying so hard. And you try to conceal your ordinary way with a smile or a shrug or some stolen cliche. But don't you understand? And don't you look about? I'm trying to take nothing from you. so why should you act so put out for me? Cause emotionally you're the same basic trip, and you know that I know of the times that you slip. So don't try to impress me, you're just pins and paint. And don't try to charm me with things that ain't. And don't try to enchant me with your manner of dress, cause a monkey in silk is a monkey no less. So measure for measure, reflect on my sin, and when I won't see ya, then measure it dead. Cause don't you understand, and don't you look about, I'm trying to take nothing from you, so why should you act so put out, and sit there in wonder and doubt for me?